Bonsoir les petits amis, comment allez-vous? Les petits et les grands, j'ai dit la dernière fois que je dirais maintenant toujours les petits et les grands. Bon, comment allez-vous? Oui, la question elle est un peu habituelle, hein. C'est comme quand on se croise dans la rue, comment ça va? L'autre il a le bras en écharpe, on se doute bien qu'il s'est passé un truc, mais bon, on lui demande quand même comment ça va. Et ben là c'est un peu pareil, je me doute que vous êtes tous quand même un peu sous le choc de l'actualité. Alors donc la machine à son, aujourd'hui encore, est là pour vous sauver. Et oui, sauver de la déprime, sauver du marasme, sauver de l'inquiétude et de l'angoisse, bien que le professeur, lui, ne soit pas du tout serein. Et oui, parce qu'en fait, cette nuit, il a fait une expérience. Il adore faire des expériences d'habitude avec des choses qu'il collecte dans la nature. Là, il a voulu être plutôt technologique. Donc, il s'est fait installer, en fait, un système audio et visuel, de façon à pouvoir, avec les yeux, avec les yeux regarder quelque chose et avec les oreilles entendre autre chose. Donc il a écouté en direct les nouvelles des Amériques, enfin surtout de celles du Nord, et en même temps il regardait un film de George Romero qui s'appelle Le Retour des Morts Vivants. Bon, voilà, vous voyez un petit peu, il n'a pas fait exprès. En fait, lui, il s'attendait à des tas d'autres choses, mais bon, ça ne s'est pas passé tout à fait comme ce qu'il attendait. Et du coup, il s'est passé un truc assez particulier, c'est qu'en fait, il est rentré dans une espèce de paranoïa, qu'en fait, il y avait comme, qui dirait, des zombies un peu partout qui nous, voilà, qui sont là, quoi, qui, pas loin. Six dogs compete for the best of show title in the 49th annual Texas Dangle Brangle Club Show. Of the finalists, five are owned by aliens. The dogs are chosen as winners in the show's six different divisions. We've got hounds. Vous voyez un petit peu le genre de délire dans lequel il est, l'animal. Bon, c'est comme ça, vous voyez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors là, je suis un peu embêté avec des machines, comme d'habitude, et j'arrive pas à faire ce que je veux, c'est quand même dommage, parce que ça va être compliqué pour le reste de la soirée. En tout cas, c'est pas grave, on va se débrouiller comme ça. Donc ce soir, eh bien, nous allons... qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Attendez, là... Ça me fatigue son truc là, je savais que ça allait me gonfler ce machin, mais bon c'est pas grave. Donc reprenons le cours de l'émission. Donc ce soir, ben voilà, on va essayer de faire avec la, je dirais ce que m'a amené le professeur à fond dans son espèce de délire paranoïaque, que les zombies sont déjà aux États-Unis et qu'ils arrivent petit à petit vers la France. Alors ceci dit, c'est un amoureux de l'Amérique, hein. C'est un vrai... il a une casquette, j'arrive pas à dire ce qu'il y a dessus, vaut mieux pas savoir. Et bref, l'Amérique, c'est aussi son truc. You ain't the only one who loves America. I like America just like you. Just because I sing and dance after midnight. Just because I take a drink or two, that don't mean I don't like America. I like America just like you. Just because you don't see me on Sunday sitting down on the front row pew, that don't mean I don't like America. I like America too, just like you, just like you. one who likes America. I like America too. You ain't the only one who likes America. I like America too. Come on. America, I like America too, just like you, just like you, just like you, I like America too. Shot you down in flames, freeway father's brainwashed neon daughter. Tomorrow equals sorrow. Love is like a red rose lost in dirty water. Bad habits need a guarantee. Shy creatures like you bring out the fool in me. The chance we take depends on the life we make. One day we're gone, but life goes on. Don't feed the animals hiding in your room. Don't feed the animals, love is hard to find. Don't feed the animals, silver strangers, midnight dangers. Don't feed the animals. We got secret fires. We're looking for the magic, we're an easy target. Elegant rebels in cheap hotels. They kill you in a phone. Test. Back on? Oh. Ladies and hey, gentlemen. Dude. We're coming back on the air after an interruption due to technical problems. Remember that? Right over there. Well, you used to really be scared here. Johnny. Hey, you're still afraid. Stop it now. I mean it. They're coming to get you, Barbara. Stop it. You're ignorant. They're coming for you, Barbara. Stop it! You're acting like a child! Look, they're coming for you! Look! There comes one of them now! He'll hear you! Here he comes now! I'm getting out of here! Johnny! Thank you. Vous savez ce que c'est le 6 novembre 2024? Ben, c'est aussi le passage des ordures. Le jour de passage des ordures. Eh bien, vous voulez nettoyer de toutes les sales pensées que vous avez accumulées toute la journée. Eh oui, ça c'est un peu la magie de la machine à son. C'est parti. Un petit peu de mathématiques, ça fait du bien. Et oui, la machine à son, les... Oh putain, je l'ai raté. Je recommence. La machine à son, l'émission qui compte plus loin que le bout de son nez. Toujours dans la machine à son, jour de passage des ordures et aussi ramassé par des zombies. Alors vous imaginez un petit peu. Et oui, le professeur, je vous rappelle un petit peu l'émission pour ceux qui, le début de l'émission pour ceux qui sont endormis ou ceux qui arrivent maintenant. Le professeur avait une expérience audiovisuelle. Il a flippé sa race. Donc du coup, bah, ce soir, il y a tout un tas de trucs quand même voilà, qui sont issus de son esprit malade. Et notamment, oui, voilà, là j'ai fait un. Qu'il ne faut pas faire, et je le refais, ça fait des traits rouges sur l'enregistrement, c'est excellent. Et oui, il y a aussi la couleur dans la machine à son. Donc bref, je disais, oui, il voulait absolument que je vous donne quelques consignes au cas où vous croisiez des zombies dans la rue. Bon, pour l'instant, on n'a pas trop entendu qu'il y en avait, mais voilà, il est assez peu confiant. Donc il m'a dit, c'est simple, il ne faut surtout pas les regarder dans les yeux. Il faut passer comme si, l'air de rien, siffloter, chantonner quelque chose, je sais pas, la danse des canards, machin comme ça, quoi. Et puis voilà, peut faire son chemin tranquillement. Alors souvent, ils vous suivent, mais en général, ils s'arrêtent à une certaine limite. Voilà, il faut vraiment faire, je sais pas, voilà. Et surtout, il m'a dit, il y a un truc vraiment qu'il faut absolument respecter, c'est ne jamais dire non, non, non, non. Yeah. Thank you. never do it, baby. Swamp boots, baby. We're going for a ride down by Black Bayou. Bring your camera, baby. We might see an alligator or a crocodile. To do so. My grandpa would say, boy, you stepped on an alligator back. A lot of kids got ate like that. I didn't know no better. I was just a kid. But this low-down thing that my grandpa did, he know, I know that he loved me, and he wouldn't want me to get hurt. But what he did that day was a mistake, 'cause he used me for alligator bait. When the gator moved, he shot the gun. Say, boy, you did good. So confusing. I was just a lad, but I was old enough to get mad. I say, I'm going home and tell my daddy what you did. I got home, I told my daddy what happened, and he just laughed. He said, boy, the same thing Grandpa did to you when I was a little lad, he did to me too. I ain't going back in the jungle. You can't get me back to the swamp. Fuzz, I'm gonna go to that oak tree stump. That's where they skinned the gator. That's where we all sit there and ate her. And they laugh, they say we had a whole lot of fun. But I'm like, you wouldn't have had it if I'd have knew what y'all were doing. So I ain't going back. I decided I'd tell you that. Alligator bait. Alligator bait. I could have got eight. They used me for alligator bait. That's why I don't hunt today. Somebody should have told me. Ensemble encore une fois dans la machine à son spécial jour de passage des ordures. Bon, spatial, voilà, spécial, pardon. Spatial, oui, c'est sûr. Professeur est un astronaute accompli. Donc ce soir, vous avez écouté, puisque vous avez compris, c'est la fin de la machine à son, puisque j'ai coupé la musique. Et oui, malheureusement, un petit peu en avance, mais le professeur, il est pressé. Il m'a dit, ouais, non, mais il faut speeder, parce que à partir de 11h30, les zombies sont encore plus nombreux à l'extérieur. Alors attention, attention à vous si vous êtes encore dehors. Rentrez vite, ou alors, n'oubliez pas la méthode que je vous ai indiquée tout à l'heure. Vous sifflotez, vous regardez en l'air, jamais dans les yeux, et vous tracez. Donc ce soir, vous avez écouté les Doors, Robert Finlay, The Electric Flag, The Liars, The Jacket, Anna Threat, The Bikini Lovers, Larry and the Blue Note, Dead, Patti Smith, groupe, Metal Urbain, The Satellites, les Viagra Boys, Garage Lopez, excellent Garage Lopez avec leurs zombies, et André Williams au tout début avec America, parce qu'évidemment, eh oui, en ce jour d'actualité, nous devions de vous passer quelques musiques américaines et autres, parce que bon, il n'y avait pas que ça quand même, mais voilà, un peu le bon côté de l'Amérique, et que les autres, qu'ils aillent tous faire...